tellement pas croyable. Et plus beau, c'est qu'on a payé pour tout ça. On a payé pour se retrouver là. On a payé ces incompétents, ces enfoirés pour qu'ils nous oublient au milieu de l'océan. Pour qu'ils nous oublient au milieu de l'océan. Ah, on voulait la vue sur mer. Mais putain, on a... Quelle bande de cons. Bon, alors nous entrons dans une phase où on se fait la gueule. Très bien. Est-ce que tu pourrais répondre à une dernière question? Quelle bande de cons. Est-il possible qu'au fil des heures, ce soit devenu ma faute? Hein? Laisse tomber. Laisse tomber. Et la vraie raison pour laquelle on se retrouve ici, c'est ton putain de boulon. Ton putain de boulon. Quoi? Oui, c'est à cause de toi. Quoi? Oui, c'est à cause de toi. Bordel de merde. Bordel de merde. Bordel de merde. Qu'on a été forcé de foutre nos projets à la poubelle et d'organiser à la dernière minute ce putain de voyage de merde. Putain de voyage de merde. Putain de voyage de merde. De voyage de merde. On devrait être à la maison à bouillir dans nos vies stressantes. Qui m'apparaissent être le paradis à présent. Bordel de merde.